tout ça pour ça? Épisode 7. Le Panthéon des personnages de fiction était un endroit merveilleux. Accessible seulement une fois par an, il permettait à tout un chacun de venir se balader dans un endroit peuplé de personnages illustres. Et c'était non moins que Frodon Sacquet qui servait de guide aux visiteurs. Emporté par la bonhomie du Hobbit, raisonnablement joufflu, l'équipée se baladait à pied dans ce grand parc où les surprises succédaient à d'autres surprises. Les sourires sur les visages s'assombrissaient parfois légèrement. Car s'il était vrai qu'on pouvait ici reconnaître de nombreux héros, des personnages plus banals, et surtout des méchants, peuplaient aussi ces lieux. Mais rassurez-vous, Magneto, Bowser, Voldemort et consorts avaient dû abandonner leur velléité destructrice pour pouvoir s'épanouir ici. Alors oui, ils s'amusaient à donner aux visiteurs le frisson qu'ils recherchaient, mais cela n'allait pas plus loin. C'était vraiment la plus belle journée de Prairial, et le soleil était en plus aujourd'hui de la partie. On pouvait voir ces personnages hors du commun s'adonner à des activités quelconques. Notamment Hercule et Wally en plein milieu d'une partie de badminton. Daredevil qui se dévouait pour jouer à Colin Maillard avec ses amis, tandis que Kratos et Cro-Blanc se démenaient autour d'un frisbee. Le fantôme de Sparte faisait montre d'une force spectaculaire, et le public retint son souffle quand il devint évident que le projectile, déviant de sa trajectoire, se dirigeait tout droit vers la tête de Gripsou. Ni une ni deux, Frodon s'écria « Archibald, attention !» Miraculeusement, le scélérat à bec parvint à l'éviter, plus par réflexe que par agilité d'ailleurs. Ce moment de suspense passé, l'hilarité apparut par touches dans l'audience, jusqu'à ce que quelqu'un dise à Frodon que quand même Archibald c'était vraiment un prénom naze. Le demi-homme ne se démonta pas. « Oh, vous savez, ici c'est assez courant les noms de ce type. Ça peut effectivement être très drôle vu parfois les décalages que ça provoque. » D'ailleurs, il n'y a pas Conan qui s'appelle Martin ?